c'est quoi la vie? Si t'as pas les couilles d'un vrai mec, il dirait déconne pas, encaisser, c'est ce qui fait de toi ce que tu es, c'est pour ça que t'es respecté. Depuis combien de temps on respecte les nôtres? Et de quoi il s'agit? Il s'agit de règles, de paramètres. Et tu prends la branlée pour ton pote, tu encaisses, tu t'allonges pas. Pas question de trahir ce que t'es. D'où tu viens? D'où tu viens? Ça commence à serre fermé, comme le trou d'une pucelle. Puis la sodomie comme marche du trou à Bruxelles. R.A.P. Sex freak, v'là le malaise. Y'a pas qu'en prison que les frères se baissent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. E.S.C.O. Bar, allez vous faire mettre. Putain. Fidèle au mien depuis le bac à sable. Trahison, je m'en bats les couilles, morale incassable. Pour des plans ici, les clans se brisent. Crash tête contre le pare-brise, on perd sa matière grise. Tu veux grimper négro en pompant, on aura des goûts. Tu suces mais tu sais pas ça a quel goût. Les vrais savent alors on sait. Accès au podium, ils pensent diviser. Pour le succès, aviser à l'excès. Bonne équipe pour briller ici. On se met à genoux mais juste pour prier. Si un ami m'a trahi, c'est le bizutage. Blackjack, dealer, je peux faire sauter le crâne à 10 otages. Chacun son trou, chaque chute est amortie. Tout seul c'est comme se torcher le cul avec des sorties. Tu vends ton gars pour une pute, t'es fou quoi. Merde. Qui est-ce qui charge le fusil quand y'a dispute? Le texte cherché à la sourcée. Tu kiffes pas, t'écoutes quand même, tu peux même froncer les sourcils. Y'a trop de traite, y'en a marre, c'est gay. Foutu, autant se doiter le boule en chantant la Marseillaise. Donc, rien ne sert de courir, on va trouver. Le sang, c'est le pardon, on va trouer. Trahir le cercle, c'est sans échappatoire. Blackjack, Escobar, du sang dans l'abattoir. Non, rien ne sert de courir, on va trouver. Le sang, c'est le pardon, on va trouver. Trahir le cercle, c'est sans échappatoire. Blackjack, Escobar, du sang dans l'abattoir. C'est comme une lame sous la gorge. Les yeux bandés, le poids 400. Trahison qu'on se discorde. La sentence. Prêt pour la corde. Pas de traitement de faveur pour un gibier de potence. Doit servir d'exemple. Ce châtiment n'a qu'un nom. Ouais, c'est celui de la vengeance. Blackjack. Ouais, Jack, le miroir sans reflet. Visage de la mort. Père à ton âme, mon refrain. Retiens bien, négro. Cache-nous les putes, on les purge à l'acide. C'est la loi du ghetto. Mourir la bouche ouverte ou vivant la ferment. Gunpoint, stylo, on rappe en l'affirmant. Il s'agit de règles, de paramètres, de savants, toi et moi. Au final, qui est le maître? Si t'as pas les couilles d'un vrai mec, on te les coupe, on te les fout dans ta sale gueule, ton bellec. Sans pour le pardon. Péché mérite d'être jugé comme Dieu du notre daron. Le prix de la bouche sucrée, paye on passe tous. Rien à foutre des représailles, on a du matos. Esco, Blackjack, en assos. Trahir pour mourir si c'est gratos. On décroche, mieux la lune en groupe avec les pieds sur terre. Il faut l'apprendre par cœur à sans boucher les artères. Rien ne sert de courir, on va trouver. Le sang, c'est le pardon, on va trouer. Trahir le cercle, c'est sans échappatoire. Blackjack, Escobar, du sang dans l'abattoir. Non, rien ne sert de courir. On va trouver, le sang c'est le pardon, on va trouer. Trahir le cercle c'est sans échappatoire. Blackjack, Escobar, du sang dans l'abattoir. Ça te fait gamberger, ça te fait drôlement gamberger sur les gens qui t'entourent.